seule chose à dire. Alors pour une fois, qu'elle soit dite. Je reviendrai sur ma parole. Je n'en ferai qu'une farandole. Je suis inconsistant, c'est pas grave. Pas de quoi mettre dans le journal. J'ai pas dit ça, c'est toi qui le dis. C'est le premier qui est vu, qui est pris. Et c'est pas une affaire. J'suis juste obligé de faire toujours le contraire. C'est pas ma faute si je suis comme ça, il faut vous y faire. Je danse, balance autour de vous et comme une idole. Jusqu'ici, ou de pas de fardole. Farandole.